Chapitre 18e. Un grand changement allait se produire dans ma vie. Mon engagement avec le chemin de fer expirait au mois de juillet suivant, la construction des divers embranchements étant terminée. Je quittais en conséquence le comté de pour retourner à Birmingham, où m'attendait un poste laissé tout exprès vacant dans les bureaux de mon père, alors en pleine prospérité. Mais il était bien entendu qu'avant de quitter le nord de l'Angleterre, j'irais passer quelques semaines à Hope Farm. On m'y préparait toutes sortes de distractions et d'excursions pendant ce dernier séjour plus prolongé que les autres, et je me serais assez volontiers associé à de si agréables anticipations, n'eût été le souvenir importun de l'imprudence que j'avais commise. J'étais trop familiarisé maintenant avec les us et coutumes domestiques de Hope Farm pour éprouver le moindre embarras en y débarquant. Je connaissais ma chambre, je m'y installais sans dire gare, comme le fils de la maison. Cela fait, je savais où me rendre pour retrouver mes hôtes absents. La chaleur était intense au moment où j'arrivais. Les oiseaux accablés ne chantaient plus, à l'exception de quelques ramiers abrités dans l'épaisseur des bois. En revanche, mille bourdonnements d'insectes emplissaient l'air tiède et lumineux. On entendait aussi dans le lointain la voix des travailleurs, et sur les routes pavées le roulement des tombereaux, le cri des essieux fatigués. Les bestiaux, dans l'étang jusqu'à mi-jambe, chassaient à grands coups de queue les mouches importunes. Les faneurs occupaient la prairie, Phyllis en tête. « Allons, Paul, à votre tour, » me dit-elle, me jetant son râteau dès qu'elle m'aperçut. Et le ministre, tout haletant, riait de cette familière bienvenue. « Allons, Paul, » reprit-il, « nous avons besoin de tous les bras disponibles. D'ailleurs, ce travail-là doit te délasser des autres. À l'œuvre, mon garçon, et prends la place d'honneur. » La place d'honneur étant auprès de Phyllis, je ne me fis pas répéter l'invitation. Nous ne quittâmes le pré que lorsque le soleil eut caché ses lueurs sanglantes derrière les noirs sapins qui bordaient le communal. Vinrent ensuite le souper, la prière et le lit. Je ne sais quel oiseau chanta fort tard auprès de ma fenêtre ouverte, et je fus réveillé de grand matin par le bruit en caquet de ses poules que Phyllis élevait si bien. Je n'avais pris en fait de bagages que les objets d'immédiate nécessité. Le messager devait apporter le reste. Il arriva de bonne heure à la ferme. En ce moment-là, j'avais fort à faire pour répondre à la chère tante, qui m'avait entrepris, cela seul, sur les procédés de boulangerie employés chez ma mère. L'arrivée des caisses interrompit notre conférence. On m'apportait aussi deux lettres arrivées depuis mon départ. Sur l'une de ces lettres, je remarquais le timbre canadien. Par quel instinct me félicitais-je d'être en ce moment tête à tête avec cette excellente femme, dont la perspicacité ne m'inspirait aucune crainte? Pourquoi me hâtais-je de glisser ces deux lettres dans la poche de mon habit? Je ne le sais pas vraiment. Je me sentais mal à l'aise, le cœur me manquait, et je répondais tout de travers, j'imagine, aux questions dont ma tante persistait à me harceler. Fort heureusement, l'ouverture des caisses me fournit un prétexte de monter dans ma chambre. Là, je m'assis sur le bord de mon lit et je brisai le cachet de cette lettre fatale. J'aurais pu dire par avance et presque mot pour mot ce qu'elle contenait. Oui, si surprenant que cela paraisse, je savais que Holdsworth allait épouser Lucille Vintadour. Et que dis-je, ils étaient déjà mariés, car la nouvelle m'arrivait le 5 juillet, et les noces avaient dû se faire le 29 juin. Les motifs qu'il alléguait, les élans enthousiastes auxquels il s'abandonnait, je les avais tous pressentis, je les connaissais, il n'avait rien de nouveau pour moi. Mes yeux se détachèrent de la lettre que mes mains retenaient machinalement, et je regardais vaguement par la fenêtre ouverte. Sur le tronc d'un vieux pommier chargé de lichen, je vis un nid de pinsons et la mère qui revenait porter quelques bribes à sa jeune couvée. Il faut bien que je l'aie vu, ce nid, puisqu'aujourd'hui même, il se représente à ma mémoire avec une telle netteté que j'en dessinerai la moindre fibre et la moindre plume. Cette écrasante rêverie fut interrompue par un bruit de voix animée et de pas pesants. Il annonçait le retour des travailleurs qui venaient dîner. Phyllis était avec eux. Aurais-je donc à lui dire? Et comment le lui cacher, puisque le nouveau marié, dans sa puérile exaltation, m'annonçait l'envoi de ses wedding cards à tous ceux que son bonheur pouvait intéresser, notamment, ajoutait-il, à ses bons amis de Hope Farm. Phyllis, maintenant, n'était plus qu'un de ses bons amis, faisant nombre parmi les autres. Il fallut descendre. Il fallut s'asseoir à table. Il fallut manger, parler comme tout le monde. Je ne sais comment je m'en tirais, mais le ministre me regarda maintes fois d'un air surpris. Il n'était pas homme à mal penser du prochain, mais bien des gens à sa place m'auraient accusé d'avoir oublié les lois de la tempérance. Dès que je le pus décemment, je quittai la table et la maison. J'avais besoin de m'étourdir un peu en marchant vite et longtemps. J'allais en effet si loin que je me perdis dans les vastes landes qui couronnaient le plateau et que la fatigue enfin me contraignit à ralentir le pas. Ah, que cette indiscrétion me pesait! Et combien n'aurais-je pas donné pour retrancher de ma vie la demi-heure où ma prudence ordinaire m'avait trahi? Puis je m'emportai contre Holdsworth, et vraiment je n'en avais pas le droit. J'imagine que je restai une bonne heure au fond de cette vaste solitude, après quoi je repris le chemin de la ferme, en me promettant de tout dire à Phyllis, dès que l'occasion s'en présenterait. Mais en somme, cette résolution me coûtait beaucoup, et lorsque, par les fenêtres toutes grandes ouvertes, je la vis seule dans la cuisine, je me sentis défaillir, tant mes appréhensions devinrent poignantes. Elle était debout, à côté du dressoir, taillant le pain qu'elle allait distribuer aux laboureurs. Ceux-ci pouvaient revenir d'une minute à l'autre, car le temps menaçait, et déjà le tonnerre avait grondé plus d'une fois. Au bruit de ma marche, elle tourna la tête. « Vous auriez dû aller au foin, » me dit-elle, avec son accentuation un peu lente, indice de calme et de paix intérieure. « En effet, car il va pleuvoir, » lui répondis-je. « L'orage s'annonce, » reprit-elle. « Ma pauvre mère est prise de la migraine et vient de se mettre au lit. « Puisque vous voilà, Phyllis, » lui dis-je, en lui coupant la parole, car j'avais à cœur d'en finir. « Je viens de faire une longue course pour réfléchir tout à mon aise sur une lettre arrivée ce matin, une lettre du Canada. Je ne saurais vous dire à quel point elle m'afflige. » Et tout en parlant, je lui tendais cette lettre, qu'elle ne semblait pas vouloir prendre. Son visage avait pâli, mais cette pâleur était plutôt un reflet de la mienne que le résultat d'une angoisse bien définie, d'une perception bien nette des paroles par moi prononcées. Il fallut s'expliquer plus clairement, pour la décider à prendre connaissance de la fatale missive. Elle comprit enfin, et au moment où je la déposai dans ses mains, se laissa tomber sur un siège, tout d'une pièce, par un brusque affaissement. Ensuite, elle étala les deux feuilles sur le dressoir, appuya sa tête sur ses mains, et se détournant à demi, déroba son visage à mes regards. Inutile précaution, j'avais moi aussi détourné la tête, et mes yeux erraient sur cette cour où tout respirait l'abondance et la paix. De tous côtés un grand silence, régulièrement interrompu par le tic-tac d'une horloge invisible, placée dans la vaste cage de l'escalier. J'entendais le papier mince frissonner entre les doigts de la lectrice quand elle venait à tourner la page. Maintenant elle devait avoir fini. Pourquoi ne bougeait-elle pas? Pourquoi ne prononçait-elle pas un mot? Pourquoi du moins ne laissait-elle pas échapper un soupir? Les minutes se succédaient, plus lentes, plus intolérables que je ne saurais dire. Enfin, je me décidai à jeter les yeux sur elle. Sans doute elle devina ce regard, puisqu'elle se retourna par un mouvement vif et soudain, de manière à me faire face. « Paul, me dit-elle, ne vous attristez pas ainsi, je vous en supplie. Vous me faites mal. Dans tout ceci, j'imagine, il n'y a rien de pénible. Du moins, vous n'avez rien à vous reprocher. Lui-même, pourquoi donc, ne se serait-il pas marié, je vous le demande. J'espère, oh oui, j'espère bien qu'il sera heureux. » Ces derniers mots furent prononcés avec l'accent d'une véritable plainte. Mais elle changea de ton sur le champ, car elle ne voulait pas s'attendrir. Lucille, reprit-elle, c'est, je suppose, l'équivalent de notre Lucie. Lucille Holdsworth. Ces deux noms vont très bien ensemble, et j'espère... J'espère... Mais que voulais-je donc vous dire, mon cher Paul? Ah, voici, je me le rappelle à présent. C'est que jamais, jamais, entendez-vous, il ne faudra reparler de ces choses. Souvenez-vous seulement que vous n'avez aucun motif de vous affliger. Vous avez été pour moi la bonté même. Et si je vous voyais trop malheureux, je ne sais pas comment je ferais pour tenir bon. L'émotion commençait à la dominer, et cet effort factice n'aurait pu se soutenir bien longtemps, mais l'orage qui menaçait éclata. Le nuage sombre qui recelait la foudre semblait planer sur le toit même de la ferme. On entendit la voix effrayée de Mrs. Holman qui appelait Phyllis à grands cris. Les fanneurs rentrèrent en courant, trempés jusqu'aux os. Le ministre les suivait de près, souriant et prenant une sorte de plaisir à voir les éléments se déchaîner ainsi, dès lors que, par un travail acharné, il avait pu engranger la presque totalité de ses foins. Deux ou trois fois, dans ce tumulte et cette confusion, je rencontrai Phyllis, qui semblait se multiplier et partout se montrait au moment où elle pouvait se rendre le plus utile. Le soir, en me couchant, j'étais presque rassuré. Le mauvais pas se trouvait franchi sans trop d'encombre, mais les jours suivants furent assez tristes, pour moi, je veux dire, car les parents de Phyllis, dans leur étonnante sécurité, ne s'apercevaient de rien, et tout au contraire, satisfaits de voir leur récolte de l'année s'annoncer sous de si heureux auspices, ne s'étaient jamais montrés plus calmes et plus joyeux. Deux ou trois belles journées, succédant à celles dont je viens de parler, avaient permis de rentrer les foins. La pluie s'établit ensuite, elle gonflait les épis déjà formés et activait la croissance des regains sur les prairies à peine fauchées. Ces temps humides donnaient quelques répits au ministre. Il prenait ses vacances d'hiver pendant les gelées et celles d'été durant les pluies qui succèdent généralement à la fenaison. On passait alors presque toute la journée dans la salle basse, portes et fenêtres ouvertes à la fraîcheur embaumée, au bruit monotone des gouttes d'eau crépitant sur le feuillage. Belle occasion de somnolente béatitude pour des gens heureux, mais il y avait parmi nous deux cœurs malades, un tout au moins, j'en puis répondre. L'état de Phyllis me tourmentait de plus en plus. Depuis cette journée d'orage, sa voix avait gardé pour mon oreille je ne sais quel accent particulier et contraint, une discordance pénible qui m'affectait malgré moi. Ses regards, autrefois si calmes, trahissait une continuelle agitation. Elle changeait de couleur à chaque instant et sans cause appréciable. Le ministre, qui fort heureusement ne se doutait encore de rien, avait transporté ses chers classiques dans la salle commune et lisait à haute voix, pour Phyllis ou pour moi, je ne sais trop, quelques passages des géorgiques en s'extasiant sur l'exactitude technique des conseils que Virgile donnait aux laboureurs du temps d'Auguste. Tout cela est vrai, tout cela est vivant. « Aujourd'hui comme alors » s'écria-t-il, scandant les vers et battant la mesure sur son genou. Cette espèce de chant rythmé porta sans doute sur les nerfs de Phyllis, qui cousait près de nous, et son fil se nouant à chaque minute, le cassait avec impatience. « Votre fil est probablement mauvais, » lui dit sa mère, étonnée de ses fréquentes interruptions. Cette remarque si simple et faite du ton le plus doux parut exaspérer l'enfant. « Oui. » dit-elle. « Le fil est mauvais. Tout est mauvais. J'ai de tout cela par-dessus la tête. » Après quoi, posant son ouvrage, elle sortit précipitamment. Je sais bien des familles où pareil incident passerait inaperçu. Mais dans cet intérieur si calme, si bien réglé, un tel accès d'humeur, le premier que Phyllis se fût jamais permis, produisit l'effet d'un coup de tonnerre. Le ministre posa son livre et releva ses lunettes sur son front. Mrs. Holman, après un premier mouvement de surprise affligée, rasséréna sa physionomie et, par manière d'excuse, « Je crois, dit-elle, que c'est l'effet du mauvais temps. Chacun le ressent à sa manière. Moi, vous savez, ce sont des migraines. » Puis elle se leva pour suivre sa fille, mais à mi-chemin de la porte, se ravisant tout à coup, elle vint se rasseoir. bonne, excellente mère. En affectant de n'y attacher aucune importance, elle espérait atténuer d'autant la portée de cette boutade étrange. « Continuez, ministre, reprit-elle. C'est très intéressant ce que vous nous lisez là. » Il continua donc, mais sans aucune ardeur et sans plus marquer à coup de règle la mesure des hexamètres latins. L'obscurité nous arriva plus tôt que de coutume, le ciel étant couvert de nuages, et Phyllis alors entra doucement sans faire semblant de rien. Elle reprit même son ouvrage, mais il faisait déjà trop noir, et après quelques points l'aiguille dut s'arrêter. Je vis alors sa main se glisser à la dérobée dans celle de la chère tante, et celle-ci l'accueillir par d'imperceptibles petites caresses. Tandis que le ministre, ne perdant rien de ses factueuses pantomimes, reprenait d'une voix raffermie le train de ses propos agricoles. J'ose dire qu'à ce moment il n'y portait pas plus d'intérêt que moi. Ce que nous avions sous les yeux faisait tort aux maximes des cultivateurs du Latium.